Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein, quelque chose d'infime, c'est certain, c'est écrit dans nos livres en latin. Fatigue, des festins de miel.